Suite deuxième MP3. Nous n'aurions pas si longuement insisté sur ces considérations si elles ne nous faisaient découvrir, dès les premières pages, le trait saillant de tout le livre et, qui pisait, de la personne entière, la prédominance des pensées égoïstes sur toute autre considération. Si M. de Chateaubriand avait tenu moins de place à ses propres yeux et dans son propre cœur, il ne se serait pas mis lui-même, et avec tous les objets de ses affections, dans cette lumière fâcheuse. Le moindre sentiment profond et désintéressé aurait eu plus de pudeur. Le public est un tiers qui embarrasse les affections vraies, tandis que l'égoïsme s'accommode merveilleusement d'un tête-à-tête prolongé et confidentiel avec lui. Cette disposition, qui jette déjà un si triste jour sur ses relations privées, nous allons la retrouver dans le récit de ses premiers actes politiques. C'est dès le début, dans le tableau même qu'il présente de l'émigration, que nous allons voir commencer une tactique qui a dû particulièrement blesser le parti dont M. de Chateaubriand a été l'honneur. Le sacrifice constant de ses opinions à sa gloire et de ses amis politiques à son rôle personnel. Si les mémoires d'outre-tombe avaient été écrits par un homme de parti sincère, il leur serait arrivé certainement une bonne fortune inespérée. Rédigés pendant le triomphe de la cause même que M. de Chateaubriand avait longtemps combattue, triomphe non seulement obtenu par la force, mais établi dans l'opinion, mais consacré par des années de prospérité, le hasard leur réservait de voir la lumière le lendemain du jour où cette cause avait disparu dans un abîme. Nouveau Siméon, M. de Chateaubriand a vu, avant de mourir, sinon l'avènement de ce qu'il aimait, qu'aimait-il, au moins la chute de ce qu'il avait cordialement haï. C'était peut-être, pour un cœur fait comme celui qu'il nous dévoile, la plus grande consolation. Mais, au lieu de satisfaire simplement sa haine, un tel événement eût pu servir puissamment sa renommée. Supposez, au lendemain de février, au milieu des questions redoutables qui se dressaient dans les esprits, quand le fantôme de la Révolution de 93, subitement évoqué, hantait toutes les imaginations. Supposez le héros de la monarchie légitime, l'ennemi du principe révolutionnaire, s'avançant pour raconter sa vie et expliquer ses opinions. Quel silence fut fait autour de lui si sa voix eût eu l'accent d'une conviction sérieuse. 1848 remettait non seulement 1830, mais 1789 en question. Le procès de la Révolution rappelait ainsi soudainement, en nouvelle instance, la parole revenait de droit à son plus éloquent contradicteur. Pour notre part, nous l'avouerons, bien que toujours un peu en doute sur la légitimité des prétentions de M. de Chateaubriand à la philosophie de l'histoire, nous ouvrions les mémoires d'outre-tombe avec un intérêt curieux, que, dans la sécurité du dernier gouvernement, nous n'aurions certainement pas éprouvé. Pour la première fois, nous pensions qu'un homme d'esprit, qui avait servi dans l'armée de Condé, pouvait avoir quelque chose à apprendre à la génération nouvelle. Nous supplions qu'on veuille bien se rappeler que M. de Chateaubriand avait émigré et que tout lecteur, en ouvrant ses mémoires, le savait par avance. Dès lors, on ne s'attendait pas à trouver en lui cet instinct, plus fort que toute réflexion, qui a condamné en France, dès le premier jour, l'émigration de 1789 et contre lequel la conscience publique n'a plus jamais admis d'appel. Personnellement, nous sommes très disposés à regarder ces jugements instinctifs comme les seuls véritables, et à ne recevoir contre eux aucune des oppositions de la logique, très humble servante à notre gré du sens moral. Mais M. de Chateaubriand n'était pas tenu à partager cette opinion, au contraire. Dès lors, ne pouvait-il pas, dans sa situation, trouver quelque chose, et quelque chose même de plausible, à dire en faveur du premier acte de sa jeunesse? N'y avait-il pas moyen de le présenter comme une protestation imprudente, mais non sans noblesse, contre le point de vue légèrement matérialiste sous lequel le droit public reçu aujourd'hui envisage la patrie? Y avez-vous suffisamment réfléchi? Pouvait-il nous dire, avec la gravité qu'il aurait dû avoir, en proclamant sans ménagement, sans distinction, que le sol natal à lui seul, quel que soit le possesseur improvisé qu'il occupe, représente et concentre tout cet ordre d'idées et de sentiments que le nom de patrie réveille? Cette théorie, poussée à ses dernières conséquences, ne contient-elle pas une justification implicite de toutes les immorales capitulations de conscience dont rougissent les temps révolutionnaires? Quel appât n'offre pas aux ambitieux de hasard cette doctrine ouvertement prêchée que, pourvu qu'ils aient, à un jour donné, par je ne sais quel tour de main, confisquer les signes extérieurs et matériels du pouvoir, les voilà par cela seul, par ce fait brutal et sensible, investis d'une représentation éminente de la patrie. Les voilà possédant non seulement le pouvoir, mais le droit de commander, et pouvant non seulement nous contraindre, mais nous obliger. La patrie serait donc le premier venu qui parle en son nom, quand bien même ce serait seulement le silence, la stupéfaction générale qui lui permettrait de se faire entendre, quand bien même la nation entière, ou terrifiée, se cache, ou surprise, se tait. Et supposez qu'on prête encore plus d'élasticité à cette définition déjà large de la patrie, qui la met cavalièrement au-dessus de toutes les formes et de tous les principes, et même de tous les crimes des gouvernements. Supposez qu'on arrive à cette considération que, pour bien servir la patrie ainsi définie, il est nécessaire d'avoir ou de garder une fonction publique, avec appointement réglé, et voyez la conséquence commode d'un pareil catéchisme politique. Maintenant, imaginez encore qu'une révolution fasse un pas de plus, qu'elle attaque, non pas seulement de vieux principes de droit politique, dans lesquels l'idée de patrie s'était depuis longtemps incarnée, mais même ces idées fondamentales sur lesquelles repose la conscience humaine, même ces liens sacrés qu'on ne peut rompre sans qu'ils emportent avec eux des lambeaux de notre cœur, direz-vous encore qu'il faut la servir, quoi qu'il arrive ? Reconnaîtrez-vous la patrie sans la propriété et la famille dont elle n'est que la plus haute expression ? Y aura-t-il une patrie, en dépit de l'étymologie et du sens des mots, là où il n'y aurait plus de toit paternel ? Voilà par quels arguments puissants M. de Chateaubriand aurait pu combattre les jugements sévères de la société nouvelle. Je ne dis pas assurément que celle-ci se fût tenue pour battue, ni même qu'elle n'eût pas trouvé de bons arguments en réplique. Mais la veille d'un nouveau 93, et peut-être d'une guerre européenne entreprise pour le plus grand honneur des sociétés secrètes, je suis sûr qu'un tel langage eût fait réfléchir tout le monde. Au moins, il nous eût rendu plus indulgents pour ces Français d'un autre âge qui n'avaient pas voulu reconnaître le sol de France caché sous des monceaux de cadavres. M. de Chateaubriand a été mis un instant sur la trace de cet ordre d'idées lorsqu'il nous raconte son entretien avec M. de Malesherbes, qui, tout en restant lui-même dans la France révolutionnaire, moins pour conjurer le supplice de son roi que pour acquérir le droit de le partager, lui conseilla, dit-il, l'émigration. Tout gouvernement, lui dit ce philosophe, qui, au lieu d'offrir des garanties aux lois fondamentales de la société, les transgresse lui-même, n'existe plus et rend l'homme à l'état de nature. Ce grave langage d'un sage resté seul au milieu d'une société folle et perverse, cet homme de bien allant chercher au-dessus de sa patrie bouleversée le monde des idées morales, patrie sereine des âmes pures, ce dialogue d'un vieillard illustre et d'un jeune homme destiné à la gloire, raconté avec quelque émotion, eût formé un tableau d'une grandeur saisissante. La question débattue entre eux, celle de savoir si l'indignation morale peut jamais l'emporter sur le dévouement patriotique, si la conscience, en un mot, est au-dessus de la patrie, c'est un de ces points ardus de casuistique sublime qu'affectionnait le grand Corneille. Quelque chose de l'âme du vieil Horace ou de Sertorius dut parler alors par la bouche du dernier des Lamoignons. Pourquoi le souffle n'en est-il pas arrivé jusqu'à nous ? Pourquoi cette scène, qui aurait dû être grande, ne fait-elle aucune impression ? C'est que M. de Chateaubriand a trouvé bon d'en détruire lui-même tous les faits par le ton, appelons les choses par leur nom, d'incomparable fatuité avec lequel il en rend compte. « Je revenais, dit-il, en courant, pour fendre la révolution, le tout étant terminé en 2 ou 3 mois. Je sentais parfaitement que l'émigration était une folie et une sottise. Mon peu de goût pour la monarchie absolue ne me laissait aucune illusion sur le parti que je prenais. » Avec 3 ou 4 phrases comme cela, c'en est fait. Je vous défie de prendre le moindre intérêt à une conduite qui se raconte ainsi elle-même. Et ce jugement superbe en finit d'un coup par toute la grandeur de la question morale. Et pourquoi M. de Chateaubriand fait-il ainsi les honneurs de sa propre cause ? Sauf erreur, le voici. C'est que cette cause, ayant été vaincue, assez tristement vaincue après tout, c'est que le jugement de Dieu, semblant s'être prononcé contre elle au moment où s'écrivaient les mémoires d'outre-tombe, la sagacité de l'auteur ne peut souffrir d'avoir été dupe, même un seul jour. On veut bien avoir été du parti du plus faible, c'est générosité, mais on ne veut pas avoir été de son avis, ce serait erreur, manque d'esprit et de prévoyance. On veut bien avoir été vaincu, mais non pas trompé. On veut avoir été avec les vaincus par le cœur, par l'esprit avec les vainqueurs, chevaliers et philosophes, se dévouant pour le passé et comprenant l'avenir. On trahit ainsi, par l'intelligence, la cause qu'on avait servie, par les armes. Eh bien non, tout cela n'est pas. L'esprit n'avait rien prévu, mais le cœur n'avait rien senti. Tous ces calculs de coquetterie personnelle que nous retrouverons jusqu'au bout, et avec plus d'évidence encore dans le récit de la carrière politique de M. de Chateaubriand, tous ces détours manquent leur but. Ils ne font point d'honneur à son jugement. Ils font du tort à ses sentiments. Il n'y avait pas grand mérite à écrire en 1820 ou en 1830 quelques phrases assez rebattues sur l'innocente folie de vieux gentilshommes, coiffés d'un bonnet de nuit sous un castor à trois cornes, qui s'imaginaient mettre la Révolution en fuite en brandissant une vieille épée rouillée. Et cela ne prouve nullement que l'auteur de ces froides plaisanteries eût vu lui-même de bonne heure la grandeur de l'événement contre lequel venait se heurter en jouant de si faibles moyens. Mais si ce ton déplacé ne prouve rien en faveur de la portée philosophique de son esprit, pour un vieillard parlant de ses camarades et de ses souvenirs de jeunesse, pour le champion d'une cause malheureuse racontant ses revers, il atteste une insensibilité qui répugne. Quand Béranger voit passer le marquis de Carabas, il nous fait rire parce qu'il rit, Chateaubriand grimace et nous déplaît. Il a suffi à Walter Scott, protestant, sincèrement attaché à la monarchie libérale de 1688, de souffler sur les cendres refroidies des Stuarts pour évoquer 1000 images gracieuses et touchantes, et un gentilhomme français qui ne nous laisse rien ignorer de sa noblesse et qui, pour n'avoir jamais lu ses parchemins, les savait cependant assez bien par cœur, n'a rien trouvé de mieux pour célébrer les derniers soupirs de la loyauté aristocratique que d'emprunter des quolibets à des chansonniers de la Révolution. Il n'y avait donc, parmi cette jeunesse rieuse et vaillante, ni Evandal, secouant ses beaux cheveux et caracolant devant les dames, ni Claverhouse, portant dans le commandement militaire une fermeté hautaine et courtoise. Quand ses régiments défilaient, aucune Fleur MacIvor n'écarta les rideaux de sa fenêtre et n'agita son mouchoir en signe de constance et de loyauté. Il faut qu'aucun de ces types délicieux n'ait alors frappé les yeux du jeune émigré, car aucun ne s'est retrouvé sous la plume du vieil historien. Je me rappelle pourtant avoir traversé autrefois le petit vallon de Bretagne, qui fut rougi par le sang des victimes de Quiberon, et où s'élève le monument qui porte leur nom. Je n'oublierai pas le serrement de cœur qui me saisit en parcourant la liste de cette hécatombe choisie. Toute cette tragédie était vivante et comme dégouttante de sang devant mes yeux. Il me semblait voir la tendresse de l'âge, le charme des manières, les habitudes d'une vie délicate, aux prises avec la rudesse des révolutions. Ces jeunes gens qui avaient tant ri, tant aimé, qui se battaient si bien et qui allaient mourir. Je réfléchissais à ce sort malheureux de notre pays qui destinait le général Hoche à décimer tant de braves gens dignes de lui, comme Bonaparte à finir la race des Condés, et, en regardant l'horizon étroit et mélancolique de la vallée par un jour d'automne, je croyais voir la nature elle-même s'attendrir et couler ces larmes des choses dont parle le poète latin. Aucune de ces émotions, aucune goutte de cette pluie, comme disait René, n'est venue mouiller les pages des mémoires d'outre-tombe. Ce n'est pas qu'elles soient gaies ni consolantes, assurément. Il est peu de lectures plus amères, mais c'est la tristesse chagrine d'un vieillard contre la vie. Ce n'est pas la douleur solennelle d'un homme qui a vu tomber ce qu'il aimait. Il pleure d'avoir vieilli encore, plus que d'avoir survécu. C'est de l'humeur, plus que de la douleur. Une seule pensée semble avoir occupé l'écrivain, le contraste entre le métier de soldat qu'il faisait alors et le métier de poète qu'il devait faire depuis. Le contraste est grand en effet, mais le bon moyen de le faire sentir eût été de chanter en poète ce qu'on avait vu comme soldat, qu'il nous raconte le camp de l'émigration, qu'il sache se peindre lui-même et ses camarades, comme Eudore savait peindre en relief les légions romaines. Et nous verrons bien assez, sans qu'il nous le dise, la poésie passée par les deux coins de sa giberne. Après l'émigration vient le consulat, et, avec cette époque de renaissance, la première aurore de la grande renommée de M. de Chateaubriand, heureux homme dont le nom demeure irrévocablement attaché à la résurrection de la France. heureux qui vit grandir sa renommée en même temps que croissait autour de lui la gloire de sa patrie, et qui ne sentit pas longtemps le contraste de la jeunesse intérieure avec les défaillances d'une société décrépite. Bien que de bonne heure, en méfiance contre le régime impérial, M. de Chateaubriand ne put échapper au premier ravissement qui s'emparait alors de la France entière. Il y eut un moment où le premier consul ne fut, pour tout le monde, que l'image de la France sortant de l'ombre de la mort et subitement illuminée. Ce fut au milieu de cette joie générale, quand la gloire débordait, que M. de Chateaubriand vint en réclamer et en obtenir sa part. Il vint aider à cette réaction qui l'avait inspirée. Il n'arrivait pas dans ces temps malheureux d'apathie, où la rame inutile fatigue vainement une mer immobile. Le génie du christianisme, en sortant du port, trouva un temps radieux, et le vent en poupe. Il put déployer toutes ses couleurs. Au souvenir de pareils jours, nous pardonnerions volontiers à l'écrivain des Mémoires d'outre-tombe quelques mouvements même un peu vifs de cet orgueil qui nous choque partout ailleurs. Ce doit être en effet une si délicieuse impression pour un homme d'un mérite véritable que de voir éclater au dehors, se propager de bouche en bouche, le secret de son génie qu'il renfermait depuis tant d'années dans le fond d'une âme agitée. Tant d'incertitudes, une telle alternative d'enthousiasme et de découragement ont dû précéder le moment ineffable où le jugement du public vient confirmer les suggestions inquiètes de l'amour-propre et de la conscience. Ces regards d'admiration subitement tournés vers l'homme inconnu d'hier, aujourd'hui célèbre, doivent lancer comme autant de flammes qui portent l'incendie dans ses veines. Joignez-y, pour l'auteur d'Atala, les premiers jours du retour de l'exil, les charmes d'une société choisie où son cœur ne resta pas longtemps indifférent. Tenez compte surtout de ce fait singulier qu'au premier rang parmi ses admirateurs, il fallait compter la religion reconnaissante, en quelque sorte de l'éclat qu'il lui prêtait, qu'ainsi l'encens qu'on lui brûlait avait le parfum du sanctuaire, et que Dieu même semblait se mettre de la partie. Et vous comprendrez qu'en arrivant à cette période de sa vie, nous étions disposés à ouvrir, en quelque sorte, à l'exaltation d'une fierté permise, une assez raisonnable carrière. Dans le premier moment même, telle est la simplicité d'un sentiment vrai, nous avons cru nous être trompés. Le succès d'Atala, de René, du génie du christianisme, nous a paru modestement raconté. Sur les faits, immédiatement produit par cette diversion puissante qui prit à rebours la philosophie du XVIIIe siècle et la désarçonna, M. de Chateaubriand ne nous dit rien que de vrai et d'assez convenablement placé dans sa bouche. Il est parfaitement vrai que le heurt donné aux esprits par le génie du christianisme fit sortir le XVIIIe siècle de l'ornière et le jeta pour jamais hors de sa voie. Nous dirons tout à l'heure deux mots de la voie nouvelle où il a fait entrer le XIXe. Mais le heurt, ou plus simplement le choc, est incontestable et atteste la force de la main robuste qu'il imprima. À la singularité du terme près, l'image est juste et simple. Il semble que l'auteur ait compris qu'un grand résultat se passe de beaucoup de paroles, de même qu'une courte inscription sied au grand monument. Le tableau de la société au milieu de laquelle tomba le succès inattendu de ce livre original est peint avec la même vérité. Les portraits du petit nombre d'amis qui se groupèrent autour de l'auteur avec une sorte de culte sont finement touchés. Et quoique nous ayons peu de goût, nous l'avons dit, aux publications de correspondances, quoique ces secrétaires ouverts devant le public nous inspirent même peu de curiosité, les lettres de Madame de Beaumont ont une simplicité touchante qui fait aimer celui qui fut digne d'être aimé d'elle. Ce demi-volume est peut-être la seule partie complètement agréable des Mémoires d'outre-tombe. On se réconcilie avec l'écrivain parce qu'il a le bon goût de s'oublier un instant. Hélas, le réveil ne se fait pas attendre bien longtemps.